N'écoute pas ceux qui te disent qu'il te faut partir loin de moi. Ce sont les jaloux qui espèrent t'arracher un jour de mes bras. N'écoute pas ceux qui te disent que j'en aime une autre que toi. Ce sont les jaloux qui préfèrent semer le doute au fond de toi. Mais nous vivons encore tous les deux, malgré eux, nous danserons encore, malgré eux, tous les deux. N'écoute pas ceux qui te disent qu'il te faut me quitter déjà. Ce sont les jaloux qui attendent la fin des amours qu'ils n'ont pas. N'écoute pas ceux qui te disent que j'en aime une autre que toi. Ce sont les jaloux qui prétendent que tu ne comptes pas pour moi. Mais nous vivons tous les deux, malgré eux, nous dansons.